Il y a vraiment des enjeux là-dedans, pour le vrai, sur la destinée du Québec. Tu sais, je ne nie pas que c'est pas un, je ne nie pas que ça soit un dossier de fond sur la pérennité du Québec. Moi, j'ai toujours dit qu'il fallait regarder la question dans son ensemble, dans sa complexité, les quotas d'immigration. Personne ne parle de ça. Mais non. C'est d'un côté, on trop loin. On craint quoi, mais c'est d'un côté, on craint que les gens sur le voile, puis la peur du voile et tout ça. Il y a personne qui parle de peur de kippa, là, mais tu sais, on met tous les symboles religieux ensemble. Puis une religieuse, mettons une religieuse avec son bonnet dans la rue sur Sainte-Catherine, c'est pas grave. Mais il y a ça dominicaine qui donne des cours de piano. Ouais, eux autres peuvent se promener en ville, c'est bon, mais l'autre avec son voile, c'était... C'est bien épouvantable. C'est épouvantable. Donc, c'est vraiment l'islam qui est targeté, parfait. Pourquoi le PQ maintient ses quotas d'immigration? Au lieu de mettre des efforts dans la francisation, on aime mieux consacrer un 30-35% d'immigration aux Maghrébins, aux gens qui parlent déjà français. Ouais. Ça nous avait des efforts, mais ça vient avec les autres, ils leur veulent, culture. Mais le PQ choisit d'avoir une immigration parlant déjà français. Au lieu de mettre davantage d'efforts à la francisation des immigrants, on aime mieux tomber dans le tout cru. Tout cru, tout cuit. Donc, parfait. Parle français, ben, viens-t'en. Oh, tu vas avoir 98 sur ton test, là. Tu parles déjà français. Oh, tu vas pas, t'intégrer. Bon, ça, c'est pas grave. Ouais, tu parles déjà français. Parle français. On t'a réglé un maudit beau problème, là, là. Alors que... Tu vas commander ton hot dog en français, là. Tu sais, on a réglé la moitié du problème, là. Sauf que tu vas vivre dans un sous-sol. Tu vas aller à mosquée 3 fois par jour. Puis tu vas refuser de t'intégrer au reste du Québec. C'est pas grave. Tu vas caler ton restaurant en français. Puis quand tu vas aller magasiner, tu vas demander ta chemise en français. C'est ça qui est incohérent dans la position du PQ. C'est ça ma position. On devrait regarder ça et reconfigurer les quotas en fonction de la capacité d'intégration. En fait, le PQ avec se bat... plus d'immigration latine. Ben, puis le PQ se bat contre les gens qui veulent faire rentrer à pleine bouche. Tu sais, c'est ça. Les gens, ouais, ils ont raison, le PQ, mais le mot du voile, mais... C'est... Oui, mais le mot du voile, moi le voile, me dérange pas, fait que c'est pas un débat, là, tu sais, mon débat, c'est que les extrémistes, puis les crinqués, mais ça, moi, dans ma tête, c'est deux affaires différentes. Mais là, on les fait rentrer avec leur culture, les gens arrivent du Maroc, exact. Arrivent de l'Algérie, arrivent... C'est des musulmans, qu'est-ce que je voulais vous dire, ils arrivent faites-vous avec leur l'idée. Vie, là. Soyez cohérents. Là, ils veulent rentrer pour parler français. Mais enlève ton mot du voile, fatigant. Ça m'a amené des c'est incohérent. Là, c'est incohérent. Puis le monde embarque là-dedans. Puis mot du voile, puis le camouflage. Monsieur Pinault avec son camouflage. Là. Camouflage, la cagoule ce matin encore. La cagoule, puis la capine. C'est gênant. Ces gens-là disent qu'ils sont intolérants, mais prenez exactement le même langage. Puis remplacez ça par n'importe quoi. Les Noirs, les gays, les Juifs, n'importe quoi. C'est intolérant. C'est loufoque, c'est grotesque. C'est du RBO. Moi, je pense encore, secrètement, il y a un petit 0.5% dans ma tête qui pense que c'est un coup monté. C'est des comédiens. Je crois pas ça. Je pense que Yves Pépeltier est en train d'écrire des... Il y a quelqu'un qui nous filme en cachette. Je crois pas ça. Il y a quelqu'un qui nous filme en cachette. C'est un expérience. Il y a quelqu'un qui va sortir, jeudi, vendredi, je vous le dis, là, qui va dire, ah, ah, regardez, là, vous êtes tombé dans le panneau. Convaincu. C'est un test de société. Convaincu, mais... C'est un test de société. Convaincu, mais pas vraiment. En tout cas, la date est dure, là. C'est un maudit gros test. C'est gênant. Hein. Mais le PQ fabrique ça de toutes pièces. Drainville s'est pas excusé. Hein. Drainville, est-ce qu'il a dit qu'il avait eu honte? Pas tout. Pas vraiment. C'est fabriqué. Non, de toutes c'est pièces. C'est un exercice démocratique. C'est dans le plan de match. Participation pour scorer citoyenne. Des points. Exact. Ah, ouais. Et des Pinots, vous en avez dans votre famille. J'en ai dans ma famille. Alors, on n'ouvre pas les lignes là-dessus à tout bout de champ non plus. Là. Comme RDI a fait. Ça, on a des petits bouts à vous passer un peu plus tard dans l'émission. On va se régaler ensemble. Radio-Canada, qui adore taper sur les auditeurs de Radio X en les qualifiant d'à peu près tous les noms. Populistes, abrutis, patati, patata. On ramasse pas la crème des auditeurs, nous autres, hein? Bon, vous dire une chose, vendredi, là, on va faire entendre ça tantôt, là. Il y en a eu des sucrés en ondes, là, dans le show de Simon Durivage. Est-ce que la radio de Radio-Canada, puis leurs différentes émissions de pèteux de brou puis de prétentieux vont prendre des extraits de l'émission de Durivage pour rire de lui, de le ridiculiser. Les auditeurs de Durivage, oui, une gang de caves! Parle-moi d'une gang de colons, toi, les auditeurs de RDI. Puis est-ce qu'ils vont faire ça? C'est Hard Rock Barbecue, là. C'était épouvantable. Le genre de truc que les auditeurs de Mort Alive n'expriment pas en ondes. N'expriment pas en ondes. On filtre ici, Laurent filtre, mais on n'a pas un stable de 62 personnes. Et si quelqu'un dit ça, je vais réagir plus violemment que du rivage. Là. Exact. Très bon point, Jean-Christophe. Ils ont laissé bon aller. Ils ont laissé aller. Oui, mais monsieur, un instant. Ils ont laissé aller. Ouais, c'est ça, ils les ont laissés. Mais ne pensez-vous pas que c'est ça? Hein? Non? Ah, OK. Mais Radio-Canada et son filtre, le staff de Radio-Canada, c'est à 40, 50, 60 personnes par émission. C'est pas beau ce que vous avez entendu. Si vous aviez entendu ce qu'on a diffusé à RDI vendredi midi, si vous aviez entendu ça à Radio X Montréal, Québec ou Saguenay, on serait la risée, là, ces médias sociaux. Là. Comme on est souvent la risée, parce que c'est facile. Radio X, ah, gang de jambon, radio jambon. La poubelle. Les poubelles, la poubelle. On va vous dire une chose, c'était télé-poubelle pas à peu près, là, RDI, là. Mais c'est pas grave. C'est des gens cravatés. C'est moins pire. C'est cravaté. Puis celui qui répond, il y a une belle voix, tu sais, puis un bon... C'est de bon ton. Faut entendre le peuple aussi. C'est RDI, c'est mis au niveau du peuple, c'est de bon ton. 9h49, live à TraduX.com. Le Facebook est là également.